Alors Bernard, on annonce aujourd'hui la science des peuples, donc la continuité de ce qu'on avait commencé sur la personnalité des nations. On n'avait eu malheureusement pas le temps de faire tout le tour des nations en question, puis il semble que le public avait beaucoup aimé cette conférence-là et qui a demandé une suite. Alors, on va revenir donc sur cette partie d'échec que joue le plan astral avec les humains, qu'il manipule au niveau de la mémoire ou de la conscience raciale et nationale. Et je vous rappelle qu'on avait vu, lors de notre précédente rencontre, on avait fait le tour de la personnalité des États-Unis d'Amérique, du Canada, du Québec et de la République fédérale d'Allemagne de l'Ouest. Ça fait qu'il nous reste à peu près une soixantaine de pays à faire. On les prendra pas tous, on va laisser de côté le Liechtenstein. Quoique, ils viennent de doubler leur effectif militaire, ils sont passés de 8 à 16 hommes. Mais alors, c'est pas très important pour le conflit actuel. On va laisser faire Andorre aussi, on va laisser dormir le Schleswig-Holstein, on sait pas où ça se trouve. Mais on pourrait toutefois, je vous soumettrai par exemple, soit les pays de l'Europe de l'Ouest, vous avez le choix aussi pour le Japon, l'Afrique, Afrique du Nord, Afrique centrale, il y a aussi l'Amérique latine, l'Australie, la Russie, l'Asie. Est-ce que vous voulez que je vous cite des pays, et au fur et à mesure, vous pouvez m'arrêter et faire une intervention quant à leur personnalité? C'est très vaste, la personnalité des nations. Il faudrait plutôt m'en pointer une. Ok. Pour me faciliter le départ. Commençons par l'Italie. Bon. L'Italie, sur le plan cosmique, représente une nation qui a la fonction d'absorber ce que l'on pourrait appeler les déchets astraux de l'Europe. Autrement dit, sur le plan cosmique, l'Italie, de par son origine, de par son histoire, de par sa sensibilité, de par son esthétique, sa sensibilité esthétique, de par le caractère émotif de son peuple, a la capacité, la fonction en Europe d'absorber au cours de l'histoire les événements qui représente sur le plan de l'évolution cosmique de l'Europe des déchets astraux, c'est-à-dire des événements qui ne sont pas le produit d'une politique créative, mais qui représentent plutôt une politique d'attribution, une politique d'expansion, une politique de dégénération. L'Italie est un peuple, est une nation très importante parce que dans un corps social, si nous prenons l'Europe comme représentant un corps social délimité géographiquement, il y a toujours dans un corps social des organes qui sont dans la région de la tête, comme la France, et qui vont de plus en plus bas. On ne peut pas naturellement utiliser la symbologie organique du corps humain ad infinitum. Il faut comprendre que les mots, que les symboles ne servent qu'à convier à l'esprit de l'homme une fonction d'ordre plutôt psychique, d'ordre plutôt paranormal qu'organique. Mais il existe quand même un corps européen et l'Italie représente A comme fonction, je parle bien de fonction, d'absorber ce qui en Europe ne peut pas être utilisé pour des fins d'évolution créative sur le plan de la politique mondiale. Donc l'Italie a une fonction extrêmement importante dans ce sens que si elle n'existait pas, il devrait y avoir en Europe naissance d'une autre nation qui aurait cette fonction de représenter l'aspect, en apparence, occultement parlant, négatif de cette astralité, mais tout de même un aspect extrêmement important, parce que l'on ne peut pas, dans un corps justifier comparativement la tête avec le cœur ou avec les reins. Tous les organes sont importants. Donc, si je parle, ou si je commence, parce que je n'ai jamais parlé de ceci comme ça, si je commence à parler de la politique organique, cosmique, planétaire de l'Europe ou des pays, il faut bien comprendre que je ne m'adresse pas sur le plan symbolique à ces nations, mais que j'essaie de faire comprendre que la réalité politique ou géopolitique d'un continent est une réalité qui se rapporte extrêmement de près aux fonctions organiques du corps matériel. Mais il ne faut pas, comme je dis, aller dans l'extrême de la symbologie, parce qu'à ce moment-là, ben, on dirait que l'Italie, c'est le fond de culotte de l'Europe. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que le fond de culotte de l'Europe est extrêmement important afin de prendre, afin de récolter ce qui n'a pas été rassasié par les autres nations, ce qui n'a pas été digéré, ce qui n'a pas été amené à terme, ainsi de suite. Et si l'on comprend les pays de cette façon, si l'on commence à comprendre la politique des nations à partir d'un engramme psychique, à ce moment-là, on voit plus facilement le phénomène d'interrelation politique, psychologique et psychique des décisions gouvernementales qui, souvent, à première vue, lorsque nous regardons la politique simplement d'un point de vue journalistique, ne semble pas avoir de direction. Mais il y a toujours une direction à une politique. La preuve, c'est que Nostradamus, il y a 300-400 ans, a éveillé les esprits européens à l'évolution d'une politique certaine qui, au cours des siècles, s'est manifestée comme étant effectivement dans la direction que lui l'avait prédit. Quand je parle de Nostradamus, je parle de cet homme, de ce voyant qui a mis sur papier des intentions cosmiques, mais je ne peux pas m'associer psychologiquement à l'interprétation des êtres ou des écrivains qui ont pris son matériel pour le rendre public. Donc, je parle simplement de l'homme qui a vu, et de la même façon qu'aujourd'hui il y a des hommes qui voient, et de la même façon que demain il y aura des hommes qui verront, parce que tout ce qui se passe sur le plan matériel n'est qu'une copie finalitaire de ce qui est jugé, autorisé dans les plans, dans les sphères. Donc, l'Italie représente, sur le plan européen, cette partie extrêmement nécessaire, capable d'absorber les déchets. Et nous voyons que l'Italie a rempli ce rôle durant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'elle s'est liée d'amitié avec le nazisme allemand. Et nous voyons aussi que, sans le support psychique de l'Italie en Europe, l'Allemagne aurait été trop agressive. Autrement dit, si l'Italie n'avait pas existé en Europe, l'Allemagne aurait été beaucoup plus barbare qu'elle le fut. C'est le fait de l'Italie qui a permis que ces égrégores, que les égrégores de l'Allemagne puissent être amenés à une nouvelle distribution vers le sud, vers les pays d'Afrique du Nord, ainsi de suite. Sinon, l'Allemagne aurait éclaté dans le centre même de l'Europe d'une façon réellement intégrale, d'une façon réellement occulte, beaucoup plus pénétrante, bien qu'elle le fût extrêmement. Donc l'Italie avait une fonction, et c'est sa fonction sur le plan cosmique. On avait commencé à parler de la France aussi, mais c'était la fin de la cassette. La France est un territoire extrêmement important dans l'équilibre psychologique de l'Europe, parce que la France représente la pointe de la culture européenne, donc automatiquement, la France représente le point de convergence de l'esprit européen. Bien que les nations européennes n'acceptent pas nécessairement l'hégémonie spirituelle de la France, historiquement parlant, depuis la Révolution française représente le point, presque la lance de la destinée européenne. Mais, par contre, là où il y a extrêmement de célébral, là où il y a extrêmement d'esprit cartésien, il y a aussi extrêmement de vanité, d'orgueil. Et la France représente un pays où l'orgueil fait partie de la tapisserie psychologique de la nation. Donc, sans l'orgueil, remarquez, il faut, j'amène dans le public un nouveau langage. Donc, j'amène de nouvelles idées. Donc, nous ne pouvons pas absorber ce langage ou ces nouvelles idées avec les anciens moyens psychologiques que nous avions. Donc, si nous parlons de la France, comme je disais tout à l'heure vis-à-vis de l'Italie, il nous faut réellement regarder la phénoménologie psychique et la fonction de l'orgueil en France. La fonction de l'orgueil français, c'est d'établir en Europe un critère de perfectionnement psychologique à tous les niveaux, autant sur le plan de la science que de la diplomatie, et ceci est essentiel pour tout continent qui se respecte, parce que à partir de ce centre psychique en évolution, il se crée dans une masse psychique comme la masse européenne une concentration d'énergie puissante qui éventuellement au cours de l'histoire sert à canaliser dans le monde des aspects plus civilisés d'une culture qui représente sur le plan mondial une très grande importance et aussi une grande profondeur. Mais il ne faut pas oublier que la fonction de la France ne peut pas être séparée de la fonction psychique de l'orgueil, parce que si on oublie ceci, on perd contact avec la personnalité de la France. Et en perdant contact avec la personnalité de la France, il nous est difficile de comprendre ces relations interpersonnelles, si vous voulez, entre les autres nations. Et ainsi, nous perdons la capacité de comprendre la politique. La politique doit se comprendre de la même façon que nous devons comprendre les relations humaines. Autrement dit, si nous prenons par exemple l'Angleterre, la fonction psychique de l'Angleterre, c'est de mener à bien en Europe des aspects d'une politique étrangère, parce que l'Angleterre, elle est coupée psychiquement de l'Europe, bien qu'elle fasse partie du continent, afin de maintenir un équilibre entre le centre français de l'Europe ou le centre germanique de l'Europe et le centre neutre qu'elle représente cosmiquement, c'est-à-dire sa position géopolitique entre l'Amérique et l'Europe. Donc la fonction de l'Angleterre, c'est de toujours maintenir une balance entre l'Europe continentale et les États-Unis d'Amérique ou le Canada. Donc pour faire un travail aussi difficile, l'Angleterre se doit d'être hypocrite. Vous comprenez? D'accord. Il ne faut pas tomber dans le manque de substantialité, il ne faut pas tomber dans les catégories, parce que si nous tombons dans les catégories, moi je serai obligé de ne jamais rendre public ce que je veux dire. Il y a des choses au niveau des nations, des races, des peuples qui doivent être dites ou qui doivent être écrites, mais ces choses ne peuvent pas être dites ou écrites sans que les gens puissent réellement les saisir d'une façon objective et non pas d'une façon qui convient à la définition négative ou à l'aspect péjoratif de la parole. En ce qui concerne la Suisse, est-ce que c'est le portefeuille? La Suisse, elle n'a pas commencé encore son initiation mondiale. La Suisse va commencer son initiation mondiale lorsqu'il y aura des troubles en Europe entre les pays d'Afrique du Nord et la Russie, et l'Europe, puis les Amériques, et ainsi de suite. Autrement dit, la Suisse a bénéficié pendant des siècles du pouvoir des nations, du pouvoir financier des nations. Les nations ont dû stocker leurs finances en Suisse, les individus qui ont le pouvoir. Donc, il fallait absolument une banque mondiale, c'est normal. Donc, la Suisse est devenue une banque mondiale qui était libre des fléaux guerriers de l'Europe, et elle est devenue très riche, très puissante, elle est devenue très souterraine. Mais elle ne pourra pas maintenir ce caractère de puissance souterraine indéfiniment, parce que aujourd'hui dans le monde, il se produit une nouvelle catharsis, c'est-à-dire que nous sommes en train de découvrir dans le monde que de nouveaux courants puissants, extrovertis, veulent réorganiser la politique mondiale. Et ces courants qui sont de la gauche à la droite ont une fonction qui est totalement cosmique, une fonction d'ailleurs qui est absolument cachée des vues de l'homme, mais courants qui éventuellement transformeront la Suisse et la rendront plus honnête face aux Nations Unies. Ou lorsque je parle des Nations Unies, je parle des nations, des peuples unis. Cette puissance financière, cet argent qui représente la Suisse, doit être un jour redistribué dans le monde. Il y aura une redistribution. Comment cette redistribution sera faite? Ceci fait encore partie des aspects occultes du 21e siècle. Ceci ne peut pas être dit aujourd'hui parce que ce ne serait pas bon, mais il y aura effectivement un changement dans l'ordre des choses concernant la Suisse, comme plusieurs pays en Europe. Mais sa fonction fut extrêmement importante, mais d'un autre côté, la Suisse a servi à permettre au pouvoir évolutif de se protéger contre la haine et contre la misère et contre la rage des peuples en sous-développement. Autrement dit, quand je parle des peuples en sous-développement, je parle de la pauvreté. Pour moi, les peuples en sous-développement, ils existent tout partout dans le monde. Il n'y a pas simplement en Afrique ou en Amérique du Sud. Le sous-développement des peuples est une condition qui fait partie de l'évolution. Il y a du sous-développement au Canada, il y en a aux États-Unis, il y en a tout partout dans le monde. Sous-développement, pour moi, veut dire cet aspect psychologique des nations qui fait en sorte que le pouvoir n'est pas parfaitement organisé en fonction du bien-être de ces nations, parce que des individus ou des organismes s'occupent de bénéficier d'un statut privilégié qui rencontre la politique mondiale ou internationale de la Suisse, et ceci un jour sera corrigé parce que les peuples deviennent de plus en plus puissants au niveau de la base, et qu'il y aura au cours des prochaines générations de grandes transmutations dans le sang de l'humanité. Alors si la Suisse représente l'apogée de la conscience matérielle, est-ce que l'Espagne serait le summum de la conscience spirituelle en Europe, l'autre polarité? L'Espagne en Europe représente l'organe qui n'a pas encore de fonction délimitative, c'est-à-dire que l'Espagne représente un peu l'amygdale de l'Europe. Qu'est-ce que c'est une amygdale? Sur le plan humain, sur le plan médical, lorsque nous parlons des amygdales, le médecin enlève les amygdales parce que les amygdales ont une fonction que dans le sens de la médecine moderne ou classique, on peut se dispenser de l'amygdale. Mais sur le plan cosmique du corps humain, l'amygdale représente un aspect essentiel dans ce sens que c'est un filtre qui permet à certaines énergies astrales de se concentrer et d'empêcher, astralement parlant, aux forces vitales de l'homme de se coaguler, c'est-à-dire de créer des espaces dans le corps humain qui seraient affligés par une trop grande pénétration de vitalité. Donc, l'amygdale ou les amygdales ont une fonction psychique ou psycho-occulte chez l'homme que probablement la médecine éventuellement découvrira lorsque la médecine pourra photographier les éthers du corps matériel. Alors, en Europe, c'est la même chose. L'Espagne a une fonction, elle sert de filtre. Et vous remarquerez que, en Europe, la guerre en Europe, c'était en 1939, et la guerre civile en Espagne, c'était en 1936. Et déjà, en Espagne, en 1936, il y avait un mouvement qui filtrait les énergies, les égrégores européens, et qui prédisposait l'Europe à la guerre. Donc, l'Espagne, psychiquement parlant, a été en guerre mondiale avant la guerre officielle mondiale de 1939, parce que sa fonction de filtre déjà était en marche. Vous savez, parler de la personnalité des nations, c'est un œuvre de toute une vie. J'espère qu'un jour j'écrirai dans ce domaine, parce que parler de la personnalité des nations, psychiquement parlant ou à partir d'une conscience supramentale, c'est éveiller dans l'homme des aspects de l'organisation psychique, psychologique, collectif d'une nation ou des nations ou de toute la conscience de la Terre. Et c'est absolument inouï parce que lorsque nous entrons dans ce domaine, nous sommes obligés sur le plan mental, intellectuel, de nous séparer égoïquement de notre mémoire pour entrer dans une dimension du savoir qui ne fait pas partie du présent psychologique de l'humanité, mais qui fait partie d'un présent beaucoup plus vaste, le présent cosmique de la conscience de l'homme. Et à partir de ce moment-là, nous nous apercevons que l'évolution de la Terre, l'évolution des nations, est un phénomène qui, pour que l'on s'y intéresse d'une façon sérieuse et d'une façon apolitique, demande que l'homme soit absolument sans émotivité dans le mental et capable de vivre d'un savoir qui n'a aucun sens psychologique. Bien qu'il puisse symboliquement être attaché à des preuves historiques qui dans le passé ou contre le tableau du passé puisse nous servir d'éventail de probabilités, comme par exemple ceux qui interprètent Nostradamus aujourd'hui vont dire « Ah, mais il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. » Mais expliquer Nostradamus demain, ah, là c'est plus difficile. Bon. Les pays nordiques, Norvège, Danemark, Suède. Les pays nordiques sont des pays qui représentent le tunnel contre lequel, remarquez, je dis le tunnel contre lequel la Russie est empêchée de se créer un déploiement. Autrement dit, la fonction des pays du Nord, c'est une fonction d'alarme. Les pays du Nord sont des pays alarmistes et ils jouissent du privilège de la relation syncopathique avec l'Europe, dans ce sens que ils sont capables de bénéficier de l'alliance psychologique et politique avec la Russie et avec l'Europe, et dans un même temps, ils représentent l'intérêt européen sur le plan cosmique, parce que la Russie peut difficilement pénétrer dans ce tunnel. Et les Russes essaient de pénétrer dans ce tunnel, et nous avons vu il y a quelques années l'effort des sous-marins russes de rentrer dans les fjords norvégiens, ainsi de suite. Mais ils sont très vifs, ces gens. Ils sont très, très vifs. Ils sont très conscients de la Russie. Ils sont très près d'elle. Ils sont frontaliers avec elle. Et ce sont des peuples qui ont une grande fonction. Ils représentent en Europe un peu ce que la dual line mécanique électronique au Canada représente contre la Russie.